La misère est tout part. Chasse les euros ou les dollars. C'est les mêmes qu'on idolâtre. De Biggie à Tupac et Blair. C'est LPK en mode international. Tu peux pas cerner le personnage, non. Et je plaide coupable. C'est pas en France qu'on aura un président black. Ici les smicards font la gueule et font la queue devant la caisse d'épargne. J'épargne personne, que les rages pèsent leur mère. Vénère, déterre, je m'enterre. Mes écrits viennent de l'enfer qu'on m'enferme. Ma vie pour viol de prod. J'ai trop la forme et je trompe comme un tox à la pharmacie. Prends ce flow in your face. Le ricard reste bouche bée. Je fais tout, il fera le reste. Je déteste le manque de respect dont je vous bétonnais. Je kick sort de la trappe, c'est étonnant que je suis pas étonné. Tu ressens la puissance, le next level sur la tête de ma rhum. Je prends mon temps pour mettre les pendules à l'heure. Ni tous nos jokes, on ne plaisante pas. Ni les filles ne plaisante pas. LPK ne plaisante pas. Oui, tous nos jokes, on ne plaisante pas. Oui, tous nos jokes, on ne plaisante pas. Lil Fee ne plaisante pas. LPK ne plaisante pas. Oui, tous nos jokes, on ne plaisante pas. I swear we don't joke, we gotta feed our folks. And if you frontin' on the mission, doggy adios. Peep priorities at hand, we gotta grind harder. Plus my nigga Dana gotta feed his fucking daughter. Nah, this a career, prepare your gears. Couple of shorties be talking sincere, making it clear that this why they here. The money and fame, oh they loving the game. They loving the slang, loving the frame. Hope they loving the pain, they loving the change. Ride in they lifestyle, never playing me, she wow. But a nigga don't redial, if shorty wanna move foul. Ain't never moving like wow. Fake niggas wanna act up, call my hitters with the Mack truck. Then them niggas get slapped up, now they really going back up. Ain't cleaning no pack up, grind hard so I rack up. La Perk and Lil Fee soon on world tour. From upstate New York to France, nigga bonjour. We both fighting for success, yeah we steady scrapping. We do not joke with our craft, we gon' make it happen. We do no joke, on ne plaisante pas. Lil Fee ne plaisante pas. LPK ne plaisante pas. We do no joke, on ne plaisante pas. We do no joke, on ne plaisante pas. Lil Fee ne plaisante pas. LPK ne plaisante pas. We do no joke, on ne plaisante pas.